Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On est de golf avec notre ami Michel Lallemand. On rappelle que cette chronique est une commandite du club de golf de Chibougamau. Salut Michel! Bonjour Denis! Michel, l'achalandage depuis le début, ça va bien? C'est sûr qu'il a fait un petit peu moins. Je dirais, Denis, honnêtement, ça va même très bien. OK. Depuis le début de la saison, la température est bonne. Dernière fin de semaine, t'as du soleil mur à mur, puis le terrain était plein. Okay. C'est probablement un des bons débuts de saison qu'on a eu au cours des 5 dernières années. Ouais. Donc, on est très satisfait. Notre membership est pratiquement atteint nos objectifs. Okay. Donc, on entrevoit une belle saison. On est bien, bien satisfait actuellement. Puis d'autant plus qu'à partir de samedi, là, on prévoit 24 degrés pour environ 7 à 8 jours ensoleillés à venir. Donc, okay, c'est de bon augure. C'est très, très, très, très, très, très, très bon. Donc, bravo. Parle-moi maintenant des calendriers des tournois. Donc, c'est commencé. À quoi ça ressemble? C'est pas commencé. Donc, avec la nouvelle qu'on a eue en début de semaine, la réouverture des restaurants ouais. et des terrasses. On a eu une réunion comité des tournois et on a refait une cédule modifiée qui va débuter le 20 juin avec une première Coupe des champions. Okay. Donc, la majorité des événements qu'on pourrait dire mineurs vont revenir cette année et même le Super Calcutta au mois d'août avec peut-être des modifications en fonction des nouvelles restrictions qui pourraient survenir d'ici à ce temps-là. Mm. Mais c'est officiel que le Super Calcutta va être de retour en 2020. Bon, ben c'est beau ça, bonne nouvelle. Dis-moi, du côté de l'achalandage, on en a parlé, du côté maintenant, y a-tu des trous d'un coup, y a-tu des belles performances à souligner? Pas encore. Okay. Au niveau des bonnes performances, on n'a pas eu écho de performances vraiment exceptionnelles. On a notre ami Pierre-Alexandre Bédard ouais. qui est sur le parcours depuis 2 jours. Oui, apparemment des bonnes ouais. performances, mais pas dans les records. Puis c'est un peu normal parce que cette semaine, on est après travailler nos verres. Donc, on fait des ce qu'on appelle des top dress. On étend des quantités de sable importantes qu'on remplit les trous avec des grilles. Puis ça a une influence sur la qualité des verres. Mais Pierre me disait qu'il y avait quand même des bonnes performances puis qu'il appréciait beaucoup la qualité de notre terrain. Puis là, ben, la PGA à Québec, j'ai vu. Ça se peut-tu qu'elle soit de retour finalement? J'ai eu une notification de mon téléphone. Ça se peut-tu que ça revient? Je l'ai pas vu. Okay. J'ai pas vu passer ces choses-là. Puis quand j'ai parlé avec Pierre hier, il était pas au courant d'aucun autre tournoi là okay. à venir. Normalement, lui, en fin de semaine, il aurait dû être à Toronto pour l'Omnium canadien. T'es bien déçu, mais bien content de cette vue confirmée. Son retour pour l'année prochaine. OK. Donc, évidemment. Ça fait le tour pour cette semaine, Michel? Ça fait le tour pour cette semaine, Danny. On invite encore une fois toute la population des alentours, incluant nos amis des communautés autochtones, parce qu'on a un très bel achalandage des Amérindiens et on en est très bien content. OK. Donc, on se repart cette semaine. Parfait, merci. Voilà, donc c'était notre directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand.